Chapitre 4 La grande dispute publique sur les fondements de la foi évangélique. Juin 1533. 9.4 Lutte du chef franciscain et du chef dominicain. Les thèses envoyées à Ferbiti. Caroli reconnaît la nécessité de la grâce. Caroli invite Ferbiti à la dispute. Caroli reste court quant à la messe. Il se remet et parle avec éloquence. Viret, Caroli, Farel. La victoire reste à la réforme. Le dimanche 30 mai, fête de Pentecôte, jour où les débats devaient s'ouvrir, arriva enfin. Il y avait un an que la réformation avait fait son entrée publique dans Genève. Elle allait y faire un nouveau pas, et celui-ci devait assurer son triomphe. Le jour de Pentecôte, si important pour l'établissement du christianisme, devait l'être aussi pour la réformation. Le même esprit qui avait commencé l'Église est aussi celui qui doit la renouveler quand elle est déchue. Amis et ennemis se rendaient ce jour-là au couvent de Rive, animés des plus vives et des plus diverses émotions. Rien n'avait été épargné pour que la dispute eût lieu avec solennité. Un théâtre, c'est-à-dire une estrade, avait été dressé dans le grand auditoire. Les 8 commissaires y prirent place, et un concours immense de jeunes voix et d'étrangers remplit le vaste emplacement. Une table avait été placée pour les combattants dans l'arène. Jacques Bernard parut le premier. Il était suivi de Farel, de Viret, de Froment, mais les places destinées aux champions de l'Église romaine restaient inoccupées et l'on se demandait si Rome ferait défaut. Enfin, deux ecclésiastiques s'avancèrent. L'un était Chapuis, prieur du couvent des Dominicains, le plus savant prêtre qui pour lors fut dans Genève. L'autre était le docteur de la Sorbonne, Caroli. Bernard prit le premier la parole. Il entendait prouver que dans l'Église romaine, on ne cherchait pas en Christ la justification de ses péchés, et pour cela il mit en avant les règles de son ordre et montra comment les moines prétendaient être sauvés par leurs vaines pratiques et s'abandonnaient à l'orgueil, l'avarice et même à de grandes impuretés. Il parlait avec connaissance de cause. Homme d'un cœur droit, vif, un peu violent même, il rejetait alors avec énergie les désordres auxquels il avait eu part. Debout dans le grand auditoire de son couvent, le gardien brisait ce qu'il avait adoré et adorait ce qu'il avait brisé. Aussi le père confesseur de Sainte-Claire, qui était présent, s'écria-t-il « Comme ce maudit Jacques Bernard d'Espite méprise l'habit qu'il portait !» Le dominicain Chapuis s'avança résolument pour défendre les ordres monastiques et redargua sévèrement le gardien. Farel se leva pour appuyer Bernard, mais Chapuis, qui craignait un tel adversaire, déclara qu'un autre que Bernard ne devait lui répondre. Le lendemain, Bernard et Chapuis, les deux chefs des deux grands couvents de Genève, luttèrent de nouveau. Mais Chapuis reçut l'ordre de son provincial de quitter Genève immédiatement. Ceux-ci contrariaient fort les magistrats. Ils se rappelèrent Furbiti et le zèle excessif qu'il avait fait mettre en prison. Ils ne doutaient pas qu'il ne saisît avec joie l'occasion de défendre la foi de Rome. Ayant appelé la femme du geôlier, ils la chargèrent de remettre les articles de la dispute au révérend père. Comme elle était bonne catholique romaine et dans de bons rapports avec Furbiti, il pensait que celui-ci les recevrait plus volontiers de ses mains que de celles de son mari, qui était un ardent réformé. La geôlière, âme timide, avait peur de tout le monde, de son mari auquel elle ne voulait pas déplaire, en ne s'acquittant pas de cette mission, et du révérend père qu'elle craignait d'offenser en lui remettant des thèses hérétiques. Elle les lui envoya donc par un des valets. « Hélas !» s'écria Furbiti, « ma pauvre hôtesse elle-même cherche à me séduire. » Et il jeta le papier hors de la prison. La geôlière le lui renvoya par sa petite-fille. Mais celle-ci, fort mal accueillie, dut le rapporter à sa mère, qui, effrayée de la chance qu'elle avait de déplaire au Seigneur, glissa les thèses dans le cachot par une lucarne. Le révérend père, voyant tomber à ses pieds le papier qu'il maudissait, le releva, le mit en pièces et le foula aux pieds. Il fallait renoncer à le voir défendre la papauté. La dispute recommença sans lui. Bernard et Farel, ayant Caroli pour antagoniste, montrèrent par les Écritures que Jésus-Christ seul sauve l'homme du péché. Caroli fut très faible, mais fit dire à ses partisans qu'il réservait ses meilleurs coups pour la fin et mettait alors en poudre ses adversaires. Il ne disait ni oui ni non. L'honnête Viret, indigné de ce manège, l'attaqua si habilement qu'il le contraignit à se prononcer pour ou contre la vérité. Le sorboniste se rangea du côté des réformateurs. En vain, dit-il, l'homme ferait des efforts. Il ne peut, sans la grâce de Christ, ni commencer ce qui est bon, ni poursuivre, ni persévérer. Bien, s'écria Farel, merci docteur, la gloire de Dieu et l'édification du peuple est tout ce que nous désirons. Caroli se montra tout fier d'avoir si bien parlé. Les réformateurs étaient de nouveau sans antagoniste. Caroli semblant être d'accord avec eux, les magistrats en revinrent à l'idée de Furbiti, et Caroli, ayant été à Paris son maître en théologie, le conseil lui demanda d'inviter son ancien élève à venir défendre sa doctrine ou à désavouer comme lui ses erreurs. « Volontiers, dit le vaniteux docteur. » Après dîner, les quatre syndics, le grand docteur de Paris, le Satan, Guillaume Farel, dit la sœur Jeanne, Pierre Viret et plusieurs de leurs amis se rendirent à la prison. Le dominicain parut. Il était maigre, faible, débilité et sa démarche chancelante. Aussi, en voyant le docteur de la Sorbonne dans la compagnie de tous ces hérétiques, il tomba pâmé en terre. On le releva, il reprit ses sens, et Caroli l'apostrophant lui dit d'un ton doctoral « Et quoi, frère Guy, veux-tu mourir en ton obstination, en ton hérésie ? Nous avons vécu dans l'erreur. Maintenant, nous sommes parvenus à la vérité. Reconnais que tu t'es trompé et te retourne à Dieu. » Furbiti, partagé entre son respect pour son ancien professeur et sa fidélité au pape, s'écria « À Dieu ne plaise qu'avec mon maître j'ai querelle. Je veux mourir en la vérité telle que je l'ai apprise de vous. » « Venez donc la maintenir, lui dit-on. » Mais Furbiti y mit une condition étrange. Il demanda qu'on coupât la barbe de Farel. On sait que les dévots croyaient à l'existence d'un démon dans chaque poil du réformateur. « S'il faut que je dispute avec cet idiot, s'écria-t-il, que le logis de son maître, le diable, lui soit premièrement ôté et que tout son poil soit rasé. » En vain travailla-t-on le docteur, et rien ne put l'ébranler, point de barbe ou point de dispute. Les débats recommencèrent et ce jour-là, Caroli fut des pieds à la tête, catholique romain. Bernard soutenait que Christ était le seul médiateur. Caroli maintenait que c'était Marie. La Vierge étant restée sur la terre après la mort du Sauveur, a-t-il dit, la mère a naturellement succédé au Fils. Marie héritière de son Fils, s'écria Farel, rejetons les questions folles, fuyons ce labyrinthe de la chicane qu'on appelle théologie romaine. On convint que le lendemain, on disputerait sur la messe. Caroli, décidé à s'armer de toutes pièces pour défendre ce palladium de la papauté, passa une partie de la nuit à compulser des in-folio et à noter les raisons que l'on pourrait alléguer en faveur de ce sacrifice. Les Mysteria Missae d'Innocent III, la Summa Theologia de Thomas d'Aquin, les Sentences de Bonaventure étaient tour à tour feuilletées par lui. Le lendemain, il commença à débiter les arguments qu'il avait en toute hâte recueillis. Premièrement, disait-il, secondement, mais il perdait le fil et restait court, répétant toujours les mêmes paroles. L'écolier oubliait sa leçon. Il ne restait plus pour achever la comédie que Farel se mit à lui souffler les arguments qui lui manquaient. « Ne voulez-vous pas dire ceci, cela ? » lui disait-il. « Oui, oui, reprenait aussitôt le pauvre docteur, c'est justement ce que je voulais dire. » Caroli, piqué de ce triomphe de Farel, fit un effort et, se remettant en selle, commença à chevaucher vaillamment. « Vraiment, disait Froment, qui l'entendait, il dispute à cette heure subtilement et de grande affection. » Les catholiques ravis coururent sans attendre la réponse du réformateur vers les chanoines. « Le docteur de Paris, leur dirent-ils, dispute admirablement. » Les chanoines ordonnèrent qu'on lui portât de leur meilleur vin. Caroli était dans ce moment l'homme le plus heureux du monde, la papauté et la réforme lui prodiguaient à la fois leur faveur. Le lendemain, l'auditoire fut plus nombreux qu'à l'ordinaire. On avait beaucoup parlé de l'éloquence du docteur et des catholiques arrivaient en foule. Des ennemis jurés de la réforme se disaient l'un à l'autre « Allons assister au triomphe des divins mystères de la papauté ». Il s'agissait en effet ce jour-là de défendre la transsubstantiation, le sacrifice de la messe, l'adoration du pain, le retranchement de la coupe, l'invocation des saints, l'usage d'une langue étrangère et autres rites et coutumes. Caroli, enflé de la belle position qu'il avait acquise, levait la tête et provoquait ses adversaires d'une voix éclatante. « Donnez-moi un homme qui se montre homme, disait-il, et nous combattrons ensemble. » Alors parut pour lui répondre un jeune garçon. Le vieux docteur, en voyant ce novice, si chétif de corps, le méprisa comme Goliath méprisa David. « Certes, dit-il, vous ne voulez pas me donner celui-ci pour l'un de vos pasteurs. » Ce jeune homme était Pierre Viret, âgé alors de 24 ans, dont la santé était encore ébranlée par le poison et qui avait la figure si pâle, l'air si faible, qu'il semblait devoir défaillir. « Hélas, disait-il lui-même, je ne suis qu'un squelette recouvert de peau. » Sa parole avait peu de coloris et d'élégance, mais il avait une phrase logique, parfaitement claire, un discours vivement découpé, la touche d'un orateur, le tout accompagné d'une douceur et d'un attrait indicible. Les deux lutteurs en vinrent aux mains, et Viret réfuta les assertions de Caroli si clairement, si justement, que tous les assistants lui donnèrent raison. Caroli, ne sachant que dire, se mit à vociférer un long « bah, bah, bah ». En vain, Viret mettait-il en avant des raisons solides. Le docteur de la Sorbonne ne trouvait plus d'autre réponse que cette sotte interjection. « Qu'est-ce que j'entends ?» s'écria Farel. « Si nous répondions ainsi, le rouge nous montrait au visage. » Caroli se tut, et quelques catholiques commencèrent à se demander si les dogmes qu'ils avaient tenus pour sacrés ne seraient que des opinions d'hommes. Alors, abandonnant ce sujet, le docteur se mit à défendre les formes de la papauté. « Que le culte est plus auguste, dit-il, si l'on parle en latin, que les rites romains ont de majesté, la tonsure des prêtres leur est une couronne. « Christ, répondit Farel, veut que, laissant les ombres, nous adorions le Père en esprit et en vérité. Si l'on charge l'Église de rites, de signes, d'ornements, on la dépouille de la présence de Jésus-Christ. Si le roi Ézéchias brisa le serpent d'airain, que faut-il faire de toutes ces superstitions qui dépassent en scandale l'idolâtrie des Juifs ? C'était trop. L'évêque, informé de la marche de la dispute, lança d'Arbois, le 13 juin, pendant les débats même, une sentence défendant à Jean de tous états d'être, dès 7 heures si osés et si hardis, que de parler et marchander avec les syndics, prêcheurs et citoyens de Genève, sous peine d'excommunication et de 25 livres d'amende. Ainsi l'évêque établissait un cordon sanitaire pour séquestrer Genève de la chrétienté. Mais ce fut précisément à dater de cette époque que l'obscurcité des Allobroges entra en contact avec le monde et répandit partout la lumière qu'elle avait reçue. Tandis que la papauté cessait d'y rendre ses oracles et n'y avait plus à son service que des muets, la parole de Dieu faisait entendre par l'organe des réformateurs une voix sonore et puissante. Tel fut le résultat de la dispute. Dans cette controverse, a dit un historien moderne qui n'appartient pas à la réforme, les catholiques furent vaincus par les réformés.